enfant de ma mère, pas de la patrie. Non. Rajoute du tiède dans mon catering. Je peux serrer la fille de Catherine. Yes. La soulever au fond du parking. Yes. Les rues de ma ville, c'est le karting. Yes.